2 décembre. Petit rappel. C'est le 2 décembre 1851, par voie d'affiche, que le prince-président Louis-Napoléon dissout l'Assemblée des députés et fait réprimer les soulèvements parisiens. Il se fera proclamer empereur des Français sous le titre de Napoléon III un an plus tard, le 2 décembre 1852. Le coup d'État. Rendez-vous chez Renoul, tous, tous! Je grimpe au sommet de l'hôtel et je tire de dessous une planche un pistolet et un sac de poudre. J'ai ce pistolet, cette poudre, depuis longtemps. Je les tenais en réserve pour le combat. Alexandrine s'accroche à moi. Je l'avais oubliée. Elle ne compte plus. Elle ne comptera pas un moment, tant que la bataille durera. Elle ne pèse pas une cartouche dans la balance. Je ne lui dis que ces mots. Si je suis blessé, me soignerez-vous? Vous ne serez pas blessé. On ne se battra pas. L'hôtel n'est pas senti dessous. Les autres locataires ne paraissent pas indignés. On n'a pas la honte, la fièvre. Je croyais que tous allaient sauter dans la salle, demandant comment on allait se partager la besogne, où l'on trouverait des armes, qui commanderait. Allons, en avant! Vive la République! En marche sur l'Élysée! Mort au dictateur! On ne se battra pas? À peine. De maigres rassemblements. Les gens lisent les proclamations de Napoléon, les mènent à leur poche, sans fureur. Les pauvres ont-ils tort ou raison? On ne se battra pas. Nous sommes perdus. Je le sens, mon cœur me le crie, mes yeux me le disent. La République est morte, morte. 10 heures. On est assemblés chez Renoul. À l'œuvre tout de suite, je vous demande, au nom de la Révolution, dis-je. Mes camarades me regardent. Suis-je convaincu cette fois? Convaincu? Je suis convaincu que nous sommes perdus. Convaincu que nous sommes des enfants. Convaincu que si nous étions des hommes d'action, nous aurions déjà une barricade. Commencez. Nous serions tout seuls, hasard de Renoul. Je réplique. Je ne crois pas que nous pouvons, à nous 10, sauver la République. Mais nous monterons sur un tas de pierres, sur le plus haut tas, et nous crierons. À nous! À nous! Voyez, nous sommes 10. 10 hommes de 18 ans, en redingote, 10 des écoles. Le dégoût et la douleur m'étranglent. On ne se battra pas. Je reviens à Renoul et aux autres. Pour la dernière fois, je vous en supplie. Pas besoin de mots d'ordre. Partons ensemble. Prenons un bout d'étoffe rouge. Arrachons ces rideaux. Déchirons ce tapis. Et allons planter ça au premier carrefour. Mais tout de suite, le peuple perd confiance. La troupe devient notre ennemi. Napoléon gagne du terrain. À chaque minute qui s'envole, à chaque phrase que nous faisons, à chaque bêtise que dit cet homme, à chaque cri que je jette en vain. On ne m'écoute plus. Il faut se rendre. Je lance encore un suprême appel. Vous croyez qu'il faut de la discipline? La discipline, toujours la discipline. Mais c'est l'indiscipline qui est l'âme des combats du peuple. Ah, bourgeois! On me met la main sur la bouche. Un peu plus, il m'étranglerait. 3 décembre. Depuis hier, 11 heures, nous courons, cherchant le danger et sentant la déroute. Nous nous sommes réconciliés pour appeler aux armes, publiquement. On s'est battu, de ci, de là, avec une écharpe rouge au bout d'une canne. Point, comme il fallait pour vaincre. Alexandrine avait raison. Les redingotes ont pris les fusils. Les blouses, non. Les ouvriers n'ont pas bougé. 4 décembre au soir. Nous n'avons pas fatigué la troupe. Et je ne puis plus me tenir. Je n'ai plus de voix dans la gorge. À peine, s'il peut sortir de ma poitrine, des sons brisés, tant j'ai crié. Vive la République! À bas le dictateur! Tant j'ai dépensé de rage et de désespoir. Depuis que Roch, un du comité, a frappé à ma porte. Il est je ne sais quelle heure. J'ai regagné l'hôtel, j'ignore comment. Le sommeil me prend. J'entends un roulement de coups de fusil. J'ai pu me traîner jusque dans la rue. Comme elle est noire. Je descends jusqu'au pont. Des factionnaires montent la garde. Où allez-vous? Si j'avais du courage, si j'étais un homme, je leur dirais où je vais. Où je crois de mon devoir d'aller, je rirais. À bas, Napoléon! Je regretterai plus d'une fois, peut-être, dans l'avenir, de ne pas avoir poussé ce cri et laissé là ma vie. Je balbutiais, tournais à gauche. La scène coule, muette et sombre. C'est fini, fini. Il ne s'élèvera plus un cri de révolte vers le ciel. Je suis rentré. le cerveau éteint, le cœur troué, chancelant comme un bœuf qui tombe et s'abat sous le maillet, dans le sang fumant de l'abattoir.